Budget. Asté, Beowell, Aïe, 2008. Un sale monde, Aïe, un putain de monde, Ra. On vit dans un sale monde. On veut des euros, des flingues, le pouvoir. Et face à l'État qui veulent nous la mettre, ça devient dingue. Ils veulent nous mettre trop pour un teaser. Et eux prennent des cuites de cesse, mais sans cesse. Ce sale monde veut nous boycotter, nous mettre sous les bas-côtés. Elle est pas belle la vie, c'est le monde qui est méchant. Un sale monde où les gens ont la haine, ont ton égard. Des sales regards, fuck cet univers. C'est pour ça des fois je me dis que sa mère. Les tasses, la tête, les gars, sur le problème. Les gens seraient punis pour rien. Et je dis au mieux, arrangez-vous, protégez-vous. Mettez des crampons avant de taper dans le ballon. Dans cette vie, ça tourne pas rond. Depuis le 5 janvier 2008, je suis daron. Et je vais gérer ma petite dans ce putain de monde. Regarde, ça tire comme Boys in the Hood. Et l'État veut nous crailler comme au fast-food. Mais ce sale monde n'est pas good. Il boot. Regarde, ça tire comme Boys in the Hood. Et l'État veut nous crailler comme au fast-food. Mais ce sale monde n'est pas good. Il boot. J'inonde ce beat de rimes sales, j'envoie sur le sol, mais pas seul. Le tonnerre gronde aussi vrai qu'on vit dans un sale monde. Ça part en hypocrisie de la part des politiques, ça part en couille. Des mecs prennent du plaisir à violer des petites, ça part en affaires mystiques. Des mecs sages avec des piqûres qui sont loin d'avoir l'effet de celles des moustiques. Si mon stick laisse échapper cette inspiration, t'inquiète pas frère, sa fumée m'empêchera pas de voir au travers ou de lire entre les lignes. Car question sans réponse depuis l'époque du mec, où est bien ornica. Cerveau ébullition, cœur sous pression. La haine est contagieuse, mais pas de vaccin contre l'agression. J'ai l'impression que ce monde en a enculé beaucoup. Je rectifie, c'était pas juste une impression navrée. Mais des fois c'est pour supporter qu'on cherche à finir. Marche pas sur la tête des autres pour atteindre l'autre rive. Regarde, ça tire comme Boys in the Hood. Et l'État veut nous grailler comme au fast food. Mais ce sale monde n'est pas good. Il boude, frère, il boude. Regarde, ça tire comme Boys in the Hood. Et l'État veut nous grailler comme au fast food. Mais ce sale monde n'est pas good. Il boude, il boude. Troisième couplet, c'est pour les tuer. Et ouais, je le ferai jusqu'à crever. Ils sont mal barrés, c'est resté le sale taré. Y'a pas de crari, au stylo Bijagi. Mais ce sale monde nous bannit, il nous punit. On voit les refrains en son prise. Pour la plupart, les darons sont gris. Et les potos les oublient, leurs soi-disant femmes les trahissent. Ben oui, la guerre c'est infidèle. Ce sale monde est cruel. Certains se tirent des balles dans la cervelle. Ce sale monde tient une ficelle. Focalise au pays des merveilles. Regarde les bandits chez moi, ils sont capables de trahir l'oreille pour l'oseille. Ici c'est chacun pour sa peau, comme un calife. J'encule ce sale monde sans manie. Il n'est que séquelles et des cicatrices. Et ouais, c'est la crise, c'est dur comme un mec contre rupture. Ce globe terrestre me vexe. Ça tire comme Boys in the Hood. Et l'État veut nous crailler comme au fast food. Mais ce sale monde n'est pas good. Il boot, il boot. Regarde, ça tire comme Boys in the Hood. Et l'État veut nous trahir comme au fast food. Mais ce sale monde n'est pas good. Il boot, il boot. On est produit de notre époque, la somme de celles qui choquent. De nos jours encore, frère, ça braque même pour du doc. Te méprends pas, ce ne sont pas des faces pessimistes. On arrêterait peut-être de parler malheur si un jour le bonheur s'immisce. Le tueur ricane pendant que ses victimes gémissent. Le traître prêt à descendre la société pour séduire sa mise. Des chiennes devenues maman récemment promènent leurs gosses près des tours et bâtiments. Et je faisais nettoyer violemment. Je lève haut la main pour tous les frères victimes d'injustice. Je lève ma tête en espérant voir un jour un monde pisse. Me demande pas le motif quand sur un son mes mots glissent. Laisse-toi porter par la voix qui énumère tous nos vices. Sale monde et c'est triste. Terre marquée des cicatrices. Ça me rend ouf, les petits se contentent plus de petits caprices. Faut que je me barre, mais avant tout j'ai deux trois choses à faire. Dois passer en enfer et dire à Lucifer unique sa mère. Regarde, ça tire comme Boys in the Hood. Et l'État veut nous grailler comme au fast food. Mais ce sale monde n'est pas good. Il boude, frère, il boude. Regarde, ça tire comme Boys in the Hood. Et l'État veut nous grailler comme au fast food. Mais ce sale monde n'est pas good. Il boude, il boude.